Le pensionnat des ouvrières de l'usine textile Septembre est réménagé à merveille en Corée. Il est doté des installations de services publics selon le principe de priorité à la commodité et à l'esthétique pour assurer de meilleures conditions de vie.